Chapitre 19e. Un homme heureux. Cette nouvelle aventure causa une forte émotion aux trois amis, Montgomery, La Rochardie et Simonet. « Avec ces gaillards-là, déclara La Rochardie, il n'y a qu'un moyen qui soit bon et qui évite toute discussion, toute réplique et toute envie de recommencer. C'est celui de leur casser les reins et la tête. Tant qu'on n'en arrivera pas là, on ne sera jamais tranquille. » Simonet trouva exagéré ce moyen énergique, assura qu'avec de la prudence et de la souplesse diplomatique, on pourrait peut-être arriver au même résultat. Montgomery, avec son sourire froid d'anglais positif, partagea l'avis de son camarade La Rochardie, et le capitaine ajouta « Si j'avais pincé le gaillard dans le couloir quand il écoutait aux portes, si j'étais tombé sur lui, au lieu d'attraper son excellence comme je l'ai fait, nous eussions gagné du temps et trouvé la tranquillité plus tôt que nous ne pouvons l'avoir à présent. » Puis il conclut « Maintenant que ce gaillard est sous clé, nous trouverons, je l'espère, quelques jours devant nous pour pouvoir respirer à l'aise. Ce n'est pas de sitôt, en effet, avec la garde que monte Paulin Broquet autour du ministère, que Zigomar, malgré toute son habileté, pourra de nouveau pénétrer chez le ministre, même avec son échelle de bambou. Donc, nous ne devons pas oublier que nous avons promis aux sœurs Jantes d'aller les applaudir dans le nouveau ballet qui passe à la fin de cette semaine. » Les trois amis, en dînant ensemble, prirent rendez-vous pour ce soir d'opéra. Ils arrêtèrent leur disposition pour cette partie de plaisir. Puis Simonet, prétextant un travail pressé, quelques lettres à écrire, des documents à mettre sur pied, se retira après dîner, tandis que Montgomery et La Rochardie, allumant un cigare, s'en allèrent tranquillement pour finir la soirée, voir une revue dans un café-concert. Simonet rentra effectivement chez lui. Mais une heure après, il en ressortait, ayant fait une toilette nouvelle, et il se dirigeait vers l'hôtel qu'occupait la radieuse comtesse Pepa d'Ortega. Simonet semblait triomphant. Il marchait sur des nuages d'or, car il allait au rendez-vous qu'avait consenti à lui accorder cette charmante femme qui faisait palpiter tant de cœurs à Paris, tournait tant de têtes, et qui avait affolé jusqu'au baron de la Roucoulière lui-même. La comtesse Pepa avait invité à dîner ce soir-là deux ou trois gentilshommes français, leur femme et son amie la blonde comtesse Varsovia. Naturellement, son cavalier servant, le périgourdin La Roucoulière, était du dîner. L'astucieuse comtesse lui avait dit « Vous aviez commencé, mon cher, à me faire entendre une chanson dont mes oreilles ont gardé le délicieux écho. Je serais heureuse de vous entendre me lire encore un couplet de cette romance qui me ravit. » La Roucoulière était donc sous les armes, splendide, mirobolant, invincible. Lui seul étant garçon à ce dîner d'amis, et la comtesse étant veuve, il se trouva forcément, grâce à la complaisance qui mirent tous les autres, celui qui dut s'occuper de la ravissante hôtesse, car il ne comptait pas la blonde Madame Varsovia. Il joua quelque peu ce soir-là, déjà, le rôle de maître de séant, que son imagination périgourdine lui faisait voir comme devant être infailliblement le sien sous peu de jours. Vers minuit, quand on se sépara, ayant pu à diverses reprises, et comme en cachette, embrasser le bout des doigts, le dessus de la main et même jusqu'au coude, le bras charmant de Pepa, le rayonnant La Roucoulière, dressant l'échine et tirant plus fortement sa moustache, se croyant vainqueur, obtint tout bas de la comtesse une invitation nouvelle, à laquelle il attribua aussitôt la valeur d'un rendez-vous définitif. Et sans crainte cette fois, heureux et ayant pardonné à tous ses rivaux, se promettant de ne tuer aucun pour ne pas attrister son bonheur par des deuils trop nombreux, il se retira avec ses amis afin de laisser Pepa, qui se plaignait d'un subit mal de tête, et goûter quelque repos. C'était l'heure où Simonet, de son côté, anxieux et charmé, venait à ce rendez-vous le plus attrayant qu'il eût jamais eu. Mais le hasard se joue des desseins des hommes, et semble vouloir leur faire expier le moindre bonheur. Ce hasard fatal voulut que les amis qui se retiraient aperçussent, descendant de voiture, et se hâtant de pénétrer dans l'hôtel de la belle comtesse, le jeune et élégant Simonet, frais et paré comme le sont les héros de romans pour les nuits de tendresse. Les autres convives de la comtesse Pepa d'Ortega eurent sur leurs lèvres ce sourire malicieux des gens habitués à la vie de Paris et qu'aucune des multiples complications qu'elle comporte ne peut étonner. Ils comprirent ce que cela voulait dire et de quelle sorte était la migraine subite de leur délicieuse hôtesse. Mais le périgourdin, baron de La Roucoulière, en reçut dans l'estomac comme un coup de bélier. Il eut un haut-le-corps. Malgré les frictions énergiques, l'embrocation spéciale, les os de ses genoux claquèrent, son échine raidie grinça. Il voulut sauter sur celui dont il ne comprenait que trop le bonheur furtif, mais ses rhumatismes l'empêchèrent de bondir. Alors il voulut crier « Monsieur Simonet, vous êtes un polisson, un paltoquet, vous me rendrez raison !» Mais un déclic se produisit dans ses mâchoires, et il ne put articuler que des sons inintelligibles. Et ce fut en riant de son infortune que ses amis l'entraînèrent et le hissèrent dans une voiture. Ils le jetèrent à la porte du cercle, où, déclarait-il, il voulait constituer immédiatement des témoins. Dans 2 jours, il allait envoyer à 6 pieds sous terre, grâce à la terrible botte secrète de la Roucoulière, celui qui lui avait ravi son bonheur. La Roucoulière entra au cercle comme une bombe. Il avisa 2 de ses vieux amis, le comte de la Plaignée et le baron du Rozoir. Il les entraîna dans un des salons du cercle, et là, se trouvant seul, après leur avoir demandé leur parole d'honneur de ne révéler à personne la grave confidence qu'il allait leur faire, il leur demanda de lui servir de témoin. « Je suis, sinon officiellement, du moins officieusement, le fiancé de Pepa d'Ortega. Le mariage entre nous n'est plus qu'une question de détail à régler ultérieurement. En un mot, je suis autorisé par la comtesse à faire ouvertement ma cour, et dans un dîner qui a eu lieu ce soir même, j'ai pu déjà être considéré par les convives comme le maître de la maison. » Les 2 amis félicitèrent la Roucoulière de son bonheur. Le brillant Périgourdin tapa du poing sur la table et dit « Or, un Godelureau, qui a nom M. Simonet, qui est quelque chose de la vie comme chef de cabinet de je ne sais quel ministre Fallot, a l'intention de compromettre mon bonheur. Abusant de la bonté extrême et du sang-façon américain de la comtesse, il a eu l'aplomb de se présenter chez elle aux heures où les gentilshommes bien élevés se retirent de chez une veuve, fût-elle américaine ou non. Eh bien, j'ai l'intention d'apprendre à ce citoyen la politesse française, celle de l'ancien régime, celle de nos aïeux, celle dont vous et moi nous nous montrons fiers d'avoir gardé la bonne tradition. » Les 2 amis s'inclinèrent devant ces paroles chevaleresques, sans toutefois approuver tout à fait le désir du baron. « Mon cher La Roucoulière, dit le comte de la Plaignée, nous prenons en main votre cause. Mais encore faut-il, pour aller demander à M. Simonet réparation par les armes, sous peine de tomber nous-mêmes, ainsi que vous, sous le dernier des ridicules, qu'il y ait une raison plausible. » La Roucoulière se dressa d'un bond qui fit craquer les os de ses genoux. Il étendit les bras dans un geste immense. « Une raison plausible ? » s'écria-t-il. « N'est-ce pas une raison majeure ? Qu'alors que moi, le fiancé, je sors de la maison de Pepa d'Ortega, M. Simonet y entre ?»« Pardon ?» fit observer M. du Rozoir. « Pardon, mon cher ami, mais nous déplaçons la question. Vous êtes officieusement le fiancé de Pepa d'Ortega. Personne jusqu'à présent n'en a été informé. Il ne vous appartient donc pas de demander réparation à M. Simonet s'il entre après minuit chez la ravissante Pepa d'Ortega. » « En effet, insista M. de la Plaignée, s'il y a offense, cela ne vous regarde pas encore. » La Roucoulière fumait, il frémissait, ses yeux semblaient des pistolets. S'avançant, la moustache en croc, l'air terrible, sur ses 2 amis, il leur dit « Faut-il que j'attende d'être marié de voir M. Simonet entrer chez ma femme pour lui demander réparation ? J'aime mieux le tuer maintenant, sans lui laisser faire de moi, baron de la Roucoulière, un mari dans le genre de Sganarel. » Ses 2 amis essayèrent de le calmer. Après bien du mal, on finit par lui faire entendre raison. « Jusqu'à présent, lui dit le comte de la Plaignée, l'offense regarde uniquement le marquis Don Isigo Martolo, frère de la comtesse. » Le baron du Rozoir trouva une solution et dit « D'ailleurs, mon cher ami, par respect pour la jeune veuve qui va être la délicieuse baronne de la Roucoulière, pour sauvegarder sa réputation et son honneur, vous ne pouvez provoquer M. Simonet du fait qu'il est entré chez elle la nuit. Mais il vous est extrêmement facile de trouver un autre moyen de contraindre M. Simonet à s'aligner avec vous en le provoquant pour une raison quelconque de la vie courante. » Ce fut convenu ainsi. La Roucoulière se promit à la première rencontre avec M. Simonet de le provoquer de telle façon que M. Simonet ne pourrait se dérober. Bien que l'on eût, sous serment, promis de ne parler à quiconque de cette aventure, le lendemain, tout Paris savait que M. Simonet était condamné à mort par le baron. Les amis qui avaient assisté à la scène après le dîner, à l'entrée de M. Simonet chez Pepa d'Ortega et à la fureur du baron de la Roucoulière, ne se gênèrent pas pour faire des gorges chaudes de l'aventure et la répandre dans tout Paris. Et l'on vit le baron de la Roucoulière aller chez un marchand d'armes, faire choix d'épées bien en main, bien pointues, et dont la lame ne pliait jamais. Mais Paulin Broquet, qui l'un des premiers eut connaissance de ces bruits, se demanda Pourquoi fait-on mouvoir ce fantoche? Pourquoi veut-on faire savoir que Simonet va la nuit chez la sœur du marquis Isigo Martolo? Quel nouveau coup prépare-t-on? Un autre problème se posait aussi fortement en face du détective, qui depuis longtemps en poursuivait, mais en vain, la solution, cependant absolument nécessaire. En parlant avec eux des divers événements de la nuit, où, sur son bambou, Zigomar avait exécuté son saut merveilleux, Poulimbroquet dit à ses lieutenants « Mes garçons, encore une fois, le public, en apprenant cette aventure, va se gausser de nous et rire de Poulimbroquet, de sa brigade, tout en applaudissant l'incomparable Zigomar. » Les lieutenants de Poulimbroquet ne soufflèrent mot, gardèrent une impassibilité, une immobilité de statue. Leurs yeux seuls vivaient, lançaient des éclairs, et leurs narines frémissaient sous le souffle de la poitrine haletante. Poulimbroquet n'eut pas l'air de remarquer cette attitude, il reprit. « Vous, moi, faisant partie du public, nous ferions la même chose, avouons-le. Il faut toujours rire en France, quand le chenapan roule le commissaire, quand le bandit échappe à la justice. Donc, laissons rire de nous, et rions avec les rieurs. Nous sommes roulés, c'est exact. Et encore une fois, Zigomar a vaincu Poulimbroquet. « Non, chef !» dit Gabriel, coupant presque la parole au détective. « Non, nous ne pouvons pas rire. » Poulimbroquet tourna vers son lieutenant ses yeux gris acier. « Ah » fit-il seulement. « Chef, permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, avec toute l'affection que je vous porte, que mes camarades et moi, cette fois, nous ne voulons pas rire du bon tour que Zigomar vient de jouer à Poulimbroquet. Pourquoi ? Parce que dans cette aventure, nous ne pouvons approuver la façon de faire de Poulimbroquet, vraiment. Parce que si Zigomar triomphe, c'est parce que Poulimbroquet l'a bien voulu, le lui a permis, lui en a même fourni le moyen. Tu parles au nom de tes camarades, je t'écoute. Les règlements, la loi qui protège Zigomar, nous les connaissons trop, mais ici, il n'avait pas à être invoqué. Pour quelle raison ? Vous aviez pris Zigomar sur le fait, en état de crime, si je puis ainsi dire, dans le cabinet du ministre. Vous aviez parfaitement le droit de l'abattre d'un coup de revolver. M'a-t-il à ce moment menacé dans son arme? S'est-il défendu? Étais-je moi en état de légitime défense? Non. Donc, si je ne voulais pas commettre un acte de peur, de lâcheté, mon devoir me commandait de chercher à le prendre vivant, à l'arrêter sans faire usage de mes armes. Cependant, chef, pardon, je dois, moi, donner l'exemple de l'obéissance passive au règlement, alors même que ces règlements sont absurdes. J'ai obéi. Mais Zigomar a fui. C'est une autre affaire. J'ai obéi à ma consigne. Je devais prendre vivant le bandit. Si je n'ai pas réussi, c'est de ma faute. Chef. Oui, de ma faute. Si, au lieu d'agir, comme vous le faites toujours, bravement, disons le mot, trop loyalement, avec ces bandits, vous aviez tout bonnement abattu celui-ci d'un coup de feu, personne n'aurait pu vous blâmer. Si, mon garçon, ma conscience me reprochait de n'avoir pas fait mon devoir. À cela, ni toi, ni tes camarades, vous ne pouvez maintenant trouver rien à dire. » Poulimbroquet fit quelques pas silencieusement dans son bureau, puis, ayant roulé une cigarette, il l'alluma, et revint auprès de ses lieutenants, qui, de nouveau muet, immobile, le suivait des yeux anxieusement. Comme s'il avait oublié cette courte scène, pénible pour chacun, comme si jamais elle n'avait eu lieu, Poulimbroquet dit de son ton habituel, amical et affectueux, à ses lieutenants « Mes garçons, ce n'est pas au ministère, comme vous le supposez, que j'ai été roulé par Zigomar. Ce n'est pas là. C'est au théâtre. C'est au restaurant de nuit. C'est à l'heure du plaisir, de la noce. C'est bien à l'heure des rires fous qu'il a ri de moi. Écoutez, mes garçons. Toutes nos dispositions étaient prises pour surveiller le ministère, pour faire tomber Zigomar dans un piège avec l'attrait des documents sans importance, si mystérieusement apporté et si bien gardé. Tous, vous étiez sur la piste de la belle Pepa d'Ortega, de l'énigmatique James Benamol. Moi, je surveillais le marquis Don Isigo Martolo. De la soirée, pas un instant, je ne l'ai perdu des yeux. Ce n'est que quand je l'ai vu en partie fine et gardé par deux de nos hommes qui lui servaient son souper galant que je suis venu, par acquis de conscience, jeter un coup d'œil au ministère. Et alors que j'avais laissé là-bas Don Isigo, je rencontrais ici Zigomar, qui depuis longtemps se tenait dans le ministère, qui s'y trouvait certainement avant les rondes, qui était pendant que je le suivais au théâtre et au restaurant de nuit. Voilà comment Zigomar m'a roulé. Le reste n'est rien. Cela seul compte pour moi, comme a déjà compté pour moi la rencontre d'un marquis Don Isigo Martolo, au bois, frais, souriant, quelques heures après la bataille, dans le train de Dieppe, après la découverte de la cagoule sanglante accrochée aux ronces de la voûte du tunnel de Rolleboise. « Eh bien, chef, dit encore Gabriel, si vous aviez abattu l'homme qui était dans le cabinet du ministre, vous pourriez savoir si c'était bien Zigomar, ou si Zigomar, dans la peau de Don Isigo, faisait ce soir-là joyeusement fête. » Lentement, Paulin Broquet reprit. Ôté de la belle Pépa, j'ai suivi James Benhamol et Don Isigo. J'ai retrouvé James Benhamol quelques heures après dans un restaurant allemand des petites écuries. Quand j'ai cru tenir James Benhamol, c'est Peau d'Anguille, c'est Zigomar qui m'a glissé des mains. De nouveau, Paulin Broquet devenait muet. Paulin Broquet, cependant, après quelques minutes, reprit. Mais, mes garçons, rassurez-vous, c'est nous qui devons rire les derniers, et nous rirons bien. Puis il conclut. Zigomar s'est échappé grâce à son bambou, grâce à son filet. C'est bien. C'est dans un filet que nous prendrons Zigomar. Les lieutenants s'écrièrent, curieux. Dans un filet? Comment, chef? Dans un filet. Que cela vous suffise pour le moment. Les hommes de Paulin Broquet sentaient qu'ils ne devaient pas insister. Que questionner plus longuement le chef eût été inutile. Ils se turent, attendant anxieusement le moment où Paulin Broquet leur ferait connaître tout ce qu'il avait imaginé pour répondre au tour d'acrobate de Zigomar et prendre sa revanche. « Attendons le coup de filet !» se dirent-ils.